Audiomatique. Pour lancer la transmission de ce soir, la formation belge de Clinic interprétait sa pièce Ring of Fire, créée en 1988 pour l'album Face to Face. Rappelons que Mark Verhagen, Dirk Evans et Eric Van Vontergem ont fait naître de Clinic en 1985 avec un son minimal froid qui fera école et inspirera plusieurs autres artistes. Après le départ de Dirk Evans en 90, ce sera Mark Verhagen qui seul incarnera Clinic jusqu'en 2009. Et depuis, messieurs Evans et Verhagen ont fait plusieurs spectacles ensemble et même produit un album en 2013. L'avenir dira si ce sera la dernière parution du groupe, puisque Mark Verhagen est actuellement gravement malade. Nous sommes les électronistes et nous vous convions à cette transmission 018 d'Audiomatic, émission consacrée à la musique électronique. Nous vous accompagnerons jusqu'à 19h et sachez que nous sommes également en rediffusion sur les ondes de C'est fou les samedis à 20h. Pour en découvrir davantage et pour réentendre toutes nos anciennes émissions, vous n'avez qu'à visiter notre page sur Facebook à Audiomatic CFOU. La prochaine séquence musicale débute à l'instant avec la formation américaine de Faint à Audiomatic. confused when you mix up the dates. Vous avez peut-être reconnu la voix de James Murphy, leader et incarnation de la défunte formation LCD Sound System, qui nous interprétait la chanson Watch the Tapes, tirée de l'album Sound of Silver, deuxième album du groupe. LCD Sound System a tiré sa révérence en 2011, après presque 10 ans d'existence et seulement 3 albums studio. Précédemment, il s'agissait de la formation de Québec Pop Léon, et leur dernier simple, soit la chanson « Gamma », also known as « Fire ». Pop Léon est formé de Tommy Bureau, Sarah Jane Johnston et Pierre-Philippe Thériault. Ils sont reconnus pour leur spectacle alliant la musique, l'art dramatique et la danse. Je vous conseille fortement de visiter leur profil sur Bandcamp pour en entendre davantage à l'adresse popleon.bandcamp.com. Et en amorce de séquence, le groupe américain de Faint nous offrait la pièce Lesson from the Darkness, parue sur leur 6e et plus récent album Doom Abuse. La prochaine séquence musicale s'amorce avec la pièce Serpent's Tooth du projet Geomatic, qui fera ensuite place à l'artiste Andrew Lagowski et son projet solo qui se nomme tout simplement Lagowski, duquel nous entendrons la pièce SL6. Et la troisième pièce que nous écouterons met à profit le talent de ces deux artistes pour une composition conjointe sous le titre Tellurium. Donc il sera intéressant d'entendre d'abord les artistes séparément pour ensuite écouter la collaboration entre les deux et apprécier l'inter-influence de l'un sur l'autre dans le processus créatif. Alors écoutons à l'instant le projet Geomatic.

show de palmarès. 89.1. Avant la pause publicitaire, c'était la collaboration entre les projets Geomatic et Lagowski qui prenait forme à travers la pièce Tellurium tirée de leur album Cosmochemistry, réalisé conjointement. Auparavant, nous entendions chacun des deux artistes issus de cette collaboration, donc Lagowski, le projet de Andrew Lagowski, de qui nous apprécions la composition SL6 parue en 2013 sur l'album Redesign Plus, qui est en fait l'édition CD de la version numérique de l'album Redesign. La pièce que nous écoutions est d'ailleurs une des quatre exclusives à cette édition CD que nous offre l'étiquette de disque Zoarum. Mentionnons au passage qu'Andrew Lagowski est devenu depuis ses premières créations en 1982 une figure bien connue de la musique électronique. Et nous débutions la séquence musicale avec le projet hollandais Geomatic, duquel nous écoutions la pièce Serpent's Tooth de l'album 64 Light Years Away, un album qui est sorti en 2010. Nous enchaînons maintenant à Audiomatic avec l'artiste et producteur américain Carmen Rizzo. Thank you. Patiemment appliqué, je m'occupais à enculer des mouches. M'enfarge dans les fleurs du tapis et me fait mal en tombant. Les fleurs du mal, on les garde pas en dedans. Et je refuse que l'on m'accuse. Et je refuse que l'on m'accuse. Regarde-moi pas comme ça, regarde-moi pas comme ça. Si on n'a pas encore la coupe aux lèvres, c'est parce que Dieu veut une plus grosse chèvre. Passe le go, tape dans le dos, prends une photo, on ne peut jamais en prendre trop. On prend toujours un train, même s'il n'a pas de rail. J'ai perdu mon latin quand j'ai appris le braille. Arrête de me parler en parabole. C'est pas les écrits qui restent, c'est toujours les paroles. Et je refuse que l'on m'accuse. Regarde-moi pas comme ça, regarde-moi pas comme ça. Si à tous les matins il faut que tu te lèves, c'est parce que Dieu veut une plus grosse chèvre. autres, c'est qu'il faut chercher des failles plutôt que des fautes. Et je refuse que l'on m'accuse. Oh, je refuse que l'on m'accuse. Regarde-moi pas comme ça, regarde-moi pas comme ça. Si on cherche le bonheur jusqu'à ce qu'on en crève, c'est parce que Dieu veut une plus grosse chèvre. Le projet montréalais Digit Missile Command, mené par Yann Godbout, nous présentait ici sa composition « Dieu veut une plus grosse chèvre » de son album « Epoxy Destroy ». La musique de Digit Missile Command semble à premier abord, garrochée, mais on se laisse rapidement séduire par une musique hybride à souhait, mélangeant le rap, l'électro, le rock, l'expérimental, à la limite le funk, et j'en passe. Un album qui, sous ses apparats teintés d'humour, d'absurdité et de maladresse charmante, nous surprend par sa poésie parfois brute, ses mélodies déjantées mais accrocheuses et un foisonnement étonnant. Visitez le digitmissilecommand.bandcamp.com pour vous faire votre propre opinion. Tout juste avant, le duo Rimousquois, basé à Montréal, Tall Fast, formé de Robert Auclair et Antoine Létourneau-Berger, nous présentait la pièce « The Nightingales Are Back » de leur album « If Only We Could Sing ». Mentionnons que ces deux musiciens font également partie du groupe rock instrumental Opossum. Pour assouvir votre curiosité, faites un détour par le tallfast.bandcamp.com, le tallfast.bandcamp.com. Et ce bloc musical s'amorçait avec Carmen Rizzo et sa composition Silhouette of Basca Voda du mini-album Romancia. Nous en sommes déjà à la dernière pièce pour ce soir, et c'est l'artiste new-yorkais Shane McBride, à travers son projet Marshall Cantarell, qui assurera la conclusion de la transmission. Sachez par ailleurs qu'il se produira en spectacle à Montréal le vendredi 6 février dans le cadre du festival Suoni per il Popolo. Marshall Cantarell sera donc accompagné par les projets Automélodie et Litige, ainsi que par l'artiste Xara Dion. Le spectacle a lieu à la Vitrola, située au 4602 Saint-Laurent, à Montréal, et les portes ouvrent à 21h. Les électronistes qui vous remercient d'avoir partagé avec nous cette heure consacrée à la musique électronique. Si vous n'êtes pas rassasié, sachez que la transmission 018 sera rediffusée ce samedi à 20h sur les ondes de C'est fou. Elle sera également disponible en balado-diffusion, tout comme toutes les autres émissions Audiomatique, sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Notre adresse courriel se décline également sous cette même dénomination, c'est-à-dire audiomatique@gmail.com. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 18h pour la transmission 019. D'ici là, restez à l'écoute. Dans quelques instants, les audacieuses prendront possession des ondes. Mais tout juste avant, voici Marshall Cantarell et sa pièce Someday, tirée de l'album You Today.